Eugénie Bouchard est sur le point de revenir. Je veux savoir ce qui se passe avec Milos Raonic. On n'entend pas parler du tout de Milos Raonic et également Françoise Abada, qui a beaucoup de potentiel. Et qui de mieux placé que l'ancien entraîneur de Bianca Andreescu, Sylvain Bruno. Salut Sylvain. Salut, salut Dani. Sylvain, j'ai écouté ce matin le match de Bianca. Il était à TSN 3. Il m'a dit en affaire. Moi, je l'aime beaucoup, Bianca. Puis il me semble qu'elle semble en top shape. Tant mentalement que physiquement. Est-ce que je me trompe? Puis elle pourrait revenir facilement, là. Ça va vite, là. Elle pourrait revenir facilement dans les 10 premières. Ah oui, non, c'est clair. Donc, je pense que l'arrêt qu'elle s'est donné. Depuis le mois d'octobre, après Indian Wells, elle a pris un arrêt, elle a pris une décision de prendre un pas de recul, se refaire un peu mentalement, physiquement, donc puis faire d'autres choses. Et oui, elle disait sur les réseaux sociaux, aussi dans des communications avec moi, qu'elle s'est jamais aussi bien sentie et super contente d'être de retour à l'entraînement et maintenant en compétition. Et tu le dis bien, une joueuse de son talent avec les résultats qu'elle a obtenus. Une compétitrice comme elle est, ça pourrait être un retour en forme, un retour au classement, puis avec de bons résultats qui pourraient être rapides, je l'espère. Qu'est-ce qui s'est passé dans son cas? C'est sûr que c'est pas facile à devenir célèbre du jour au lendemain, parce que ça allait vite là, dans le cas de Bianca. Là. En l'espace d'un an, elle a passé d'une joueuse qui avait du potentiel, qui avait gagné un titre au US Open et devenir quatrième au monde. C'est sûr que c'est pas facile de gérer tout ça. Il y a des mauvais amis qui arrivent et ainsi de suite. C'est-tu ça un peu qui s'est passé, puis elle était un petit peu fragile, ben c'est. Ça a comme tombé un peu. C'est à peu près ça, Écoute, est-ce que... Ouais. c'est sûr, on regarde partout autour, on voit le Ashley Barty qui Ouais. annonce son retrait du tennis. On a vu Osaka. les Osaka, on a vu Raducanu, pas facile depuis Non. son superbe US Open. Leila aussi, ben, c'est pas facile de nos jours pour des jeunes filles comme ça avec les réseaux sociaux et tout ce qui peut arriver avec un grand résultat en grand chelem. Il faut dire que dans le cas de Bianca aussi, il y a eu des blessures. Il y a eu des trucs aussi personnels qui se sont ajoutés à ça. Donc, elle avait perdu un petit peu le feu sacré était un peu, la flamme avait diminué. Donc, elle voulait s'assurer de remettre ça en place. Donc, je pense que c'était une sage décision. Puis là, on voit qu'elle a un retour au jeu, puis elle est très contente d'être sur Qui le terrain. Donc, l'entraîne, hein? Qui l'entraîne? c'est le même entraîneur que depuis que je l'ai arrêté, qu'on a arrêté OK. ensemble l'été dernier. C'est Sven Grønvold, un entraîneur d'expérience qui a travaillé avec de très bonnes joueuses de Wozniacki, Vanovic, Sharapova et d'autres. Oui. Est-ce que ça a passé proche que tu y retournes pour la remettre sur les pieds? Est-ce que ça a passé proche? Parce que Pas Sylvain vraiment. Bruno Bianca, c'était tout qu'un team, là. Oui, mais oui, je pense que c'était tout un team, effectivement, mais c'était quand même 4 années pour moi, j'ai quand même 2 filles de 16 ans et 12 ans. OK. C'était quand même 4 années où je ne suis pas habitué d'avoir autant de déplacements, d'être parti aussi longtemps, aussi souvent. Donc, ça a été difficile. Je m'ennuyais beaucoup de la famille. Et puis, j'avais fait une proposition à Bianca, peut-être d'avoir un deuxième entraîneur qui pouvait me seconder. Elle n'aimait pas tellement l'idée. Donc, je pense que pour elle et pour moi, c'était un bon choix. Mais non, là, maintenant, j'ai plein de projets à Tennis Canada. Je la suis parce que je suis en charge du tennis Puis t'es pas féminin. trop loin non plus. S'il arrive de Non, quoi, non, t'es pas trop loin, tu sais. mais c'était pas dans les. On s'est parlé beaucoup, mais c'était pas dans les cartons OK. que j'allais la rejoindre. OK. Eugénie, bon, je suis très heureux d'apprendre. Je suis très, très heureux de voir qu'elle va retourner. C'est sûr qu'à un moment donné, ça devenait difficile de la défendre. Sauf que moi, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour Eugénie Bouchard. Elle pourrait abandonner, là. Ce serait très facile pour elle d'abandonner. Elle est belle, elle est mannequin sur les médias sociaux. Elle a même été analyste à Tennis Channel l'année passée. Elle était bonne en plus de ça, mais elle s'est concentrée à un long processus de retour. Moi, je trouve chapeau. C'est dans l'adversité qu'on reconnaît les grands. Elle pourrait facilement abandonner, mais non. Et moi, je dis chapeau. Puis elle a le potentiel pour revenir dans les 50 premières. Est-ce que tu as parlé? Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'elle a le potentiel facilement pour revenir Oui, dans les... Ça va vite, là. oui, oui, Ouais. oui, oui. Parce que si je n'ai pas été donné un coup de main à Bianca, je l'ai fait avec Eugénie. Elle est venue à Montréal à quelques reprises. OK. J'ai été sur le terrain avec elle. On a discuté hier. Et oui, non, beaucoup de respect, chapeau, parce que tu le disais, elle a fait des très grandes choses dans le sport, elle pourrait dire, OK, c'est bon, je passe à d'autres choses, je tourne la Tennis page. Channel l'apprend demain matin. Exact, mais elle est encore très motivée, elle joue encore très, très bien. Ouais. Donc, revenir d'une blessure à l'épaule, d'une chirurgie à l'épaule, c'est pas une chose facile. C'est beaucoup de rehab, c'est beaucoup de travail, beaucoup de renforcement musculaire. Elle veut s'assurer de pas se reblesser, donc de pas revenir trop rapidement. Mais je pense qu'on approche du but, là, de ce que je comprends. Donc, ce serait quoi, Paris? On a parlé de Roland-Garros. Peut-être. Je suis pas sûr que c'est une bonne idée. Je suis pas sûr que ce serait nécessairement une bonne idée. Je pense qu'elle a... elle était 12 mois, plus que 12 mois absente, donc elle a droit à deux grands chelems avec son classement protégé en qualification. Okay. Moi, j'attendrais de jouer d'autres tournois avant pour me faire la main avant de me lancer tout ça dans un grand chelem. OK. Des petits tournois genre Madrid ou quelque chose de même, comme on plus voit maintenant. Plus petit, des challengers. Ouais. Même Saguenay, pourrait-il même. Même Saguenay, pourquoi peut-être, pas, Newton, oui. Peut-être, pourquoi pas. Mais donc, elle va revenir avant Saguenay. Oui, je sais, mais tu vois, bref, c'est un long processus. C'est pour ça que j'ai beaucoup de respect. C'est dans l'adversité qu'on reconnaît les vrais. Milos Raonic, lui, on n'entend pas parler de rien. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je pense qu'il s'est marié le week-end dernier ou quelque chose comme ça. Je suis moins Milos parce qu'évidemment, à Tennis Canada, je suis responsable du tennis féminin. Mais oui, j'ai entendu dire qu'il s'était marié le week-end dernier. Je te laisse vérifier ça. Et dans son cas, ben oui, c'est les blessures. Hein? C'est une blessure, en attend pas l'autre, un peu partout. Donc, c'est un grand gaillard, tu sais, qui n'est pas frêle non plus. Il est quand même costaud. Puis, je pense que pour son corps, c'est compliqué. Donc, c'est dommage parce que c'était tout un joueur, le finaliste à Wimbledon. Je pense qu'il était troisième mondial. Mais c'est quand même une carrière minée par les blessures, avec beaucoup d'arrêts. Puis le Rick Green du tennis. Le Rick Green, ouais, puis il ne rajeunit pas. Évidemment, il est rendu dans la trentaine, donc oui. OK, on peut-tu l'avoir sur le court au courant de l'été? Je ne sais pas. Aucune J'espère. Okay. Je ne suis pas sûr. Okay. J'espère sur le gazon, pourquoi pas. Françoise Abanda, elle, il y en a plusieurs qui ne savaient pas. Elle, c'est une qui avait du potentiel, peut-être pas pour aller loin. Il y a eu une question d'attitude à un moment donné. Je sais qu'elle a gagné, elle a battu l'année passée quelqu'un, je pense, qui était dans les 100 en première, je me rappelle bien. Deux fois, est-ce qu'on a des chances de la revoir? Ben, oui, écoute, tu le disais, c'est un potentiel énorme, mais le potentiel, c'est une chose au tennis. Après, il faut avoir la motivation au quotidien de s'entraîner, de faire les voyages. Ça devient lourd. Elle a commencé très, très jeune. C'est pas. Donc, je pense qu'elle a eu une petite perte d'appétit récemment. Mais là, elle était là à Vancouver pour représenter le Canada sur la Coupe Billie Jean King. Elle n'a pas joué. C'est Leila Fernandez et Rebecca Marino qui ont joué les matchs, puis Gabriela Dabrowski et Carol Zhao en simple. Donc, elle n'a pas joué, mais elle était sur l'équipe. Après, elle est allée en Caroline du Sud, en Floride, pour jouer deux compétitions. Et là, j'espère, on a beaucoup de tournois qui approchent au Canada. Là. On a vraiment une série de tournois cet été et à l'automne. On a une dizaine de tournois professionnels qui sont parfaits pour elle. Et j'espère, je suis assez optimiste qu'elle va les jouer, qu'elle va revenir au jeu parce que c'est une fille qui n'a pas atteint c'est clair qu'elle n'a pas atteint son potentiel, sa capacité. Il me reste deux questions, Sylvain. Y a-t-il une jeune qui pousse à quelque part qu'on n'entend pas parler, qui sort de Que vous allez voir à Saguenay, c'est sûr. Mais qui pourrait être Bianca Elela, qui pourrait d'ici un an ou deux rejoindre des Bianca Elela. Oui. Quel potentiel, Oui. Victoria aime beaucoup, entre autres. On travaille sur plusieurs projets, mais elle a 15 ans seulement. OK. Et tu vois, la semaine dernière, pour te donner un indice, là, le portrait, elle était en Tunisie pour un 25 000. C'est un tournoi de Challenger. OK. Ça ressemble à Saguenay, peut-être une petite affaire plus faible. Puis elle a fait la finale. Elle a seulement 15 ans. On se rappellera, à Saguenay, à une année, il y a eu Madison Keys, qui a bien joué, qui avait 17 ans, Leila, Eugénie, c'est qui avait comme 18 ans. Donc, 15 ans seulement, elle fait une finale. Donc, elle vient de Toronto, je pense. Toronto. Toronto, elle s'entraîne à Montréal. S'entraîne à Montréal au Centre national. Donc, elle a surveillé Kayla Cross, Annabelle Gzou. Il y a quand même quelques bonnes joueuses là, qui sont dans le jeu. On n'entend pas parler, qu'on connaît pas, mais d'ici quelques mois, on va sortir de nulle part et qui va arriver. C'est sûr que là, avec les Leila Fernandez, les Bianca, les Eugénie, ben, c'est plus deux qu'on parle, c'est clair. Ouais. Au niveau junior, comment elle est classée? 12e. 15 ans. 12e au monde. C'est excellent. Dernière question, je voulais t'en parler. Tantôt, tu as parlé de Radha Kanu, tu as parlé de Bianca, tu as parlé des jeunes qui sont devenus une vedette, puis qui se trouvent peut-être un peu trop rapidement. Est-ce que ça guette les là? Ou elle est mieux entourée que son père? Son père est très proche. Est-ce que ça les guette aussi? Hein? Parce que oui, c'est difficile, mais c'est normal aussi. Là. Les joueurs ben, se c'est sont une adaptés. Réalité qui change, que peu importe. Elle est très bien entourée, elle est là, mais la réalité change parce que soudainement, elle est là, se présentait dans un tournoi, elle était 70e mondial. Ouais. Oui, elle était jeune, on trouvait qu'elle jouait bien, elle avait fait des beaux résultats, mais l'attention n'était pas sur elle. Soudainement, tu fais la finale d'un grand chelem avec les victoires qu'elle a obtenues. Avec le... Il y a eu beaucoup, beaucoup de médias autour d'elle. C'est une belle histoire. Ta situation change, la perception des joueuses change, du public. Et donc, tu es dans un autre univers. C'est une pression additionnelle. Elle est très bien entourée. C'est une fille qui ne va pas arrêter de travailler. C'est une fille qui ne va pas non plus s'égarer à faire trop de trucs à côté du tennis. Mais quand même, il y a une pression, il faut dire. Elle a eu quand même des belles ententes. Il y a une petite pression qui s'ajoute. Parfois, il faut se donner un petit peu de temps pour apprendre à juste gérer les nouveaux souliers. Mais je suis confiant que ça va bien se passer pour elle. OK. Ben, Sylvain, félicitations. Bravo pour le plaisir de se reparler au tantôt. Ça me fait plaisir. Merci. Sylvain Bruno, l'ancien entraîneur de Bianca. Merci.